Au restaurant Sinon de la province de Hamgyong du Sud a eu lieu les 23 et 24 le concours gastronomique des restaurants locaux sous les auspices du comité central de l'Association culinaire de Corée. Y ont pris part des restaurants renommés de toute la province comme Sinon et Hamnokan. Au terme du concours, les meilleurs restaurants et cuisiniers sont primés et diplômés.